on ne change pas. On met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps d'un rêve de songe et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et s'instant d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des ailes et des pauses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait les choix. Mais si tu grattes là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressent. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa regard insolente qui s'entête et qui répète. On ne m'inquiète pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui trahit qui l'on est. Un prince, un valet, sous la couronne, regard, une âme concentrée. D'un prince ou d'un valet, je sais tellement ça. J'ai compté des images et des rêves que j'avais, tous ces milliers de vrais. Mais c'est plus de moi. Parle tout bas. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres et voilà. On ne change pas. On ne cache qu'un instant de soi. Sous tes mains. décrocher la lune, je régnerai la fortune. Si tu me demandais, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me demandais, de bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me thank you.

Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si pour changer les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché, quand des larmes m'orangent que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent, les portes, les centres et les cris, même enfurement. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs, que les arbres répondent au pays de mon père. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si on changeait les choses un peu, rien qu'on aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve. Merci infiniment. Bonsoir tout le monde. Je suis extrêmement émue d'être ici ce soir. Je sais que je suis chez moi ici. J'ai tellement de beaux souvenirs de cet endroit. Avant tout, je veux dire bonsoir à tous les enfants à l'hôpital qui nous regardent en circuit fermé. Je veux vous dire que je vous aime, que je suis avec vous. Et je vous souhaite de guérir très vite. À vous tous qui êtes ici ce soir, merci. Vous qui travaillez à Sainte-Justine, médecins, infirmiers, infirmières, thérapeutes et préposés en tout genre, bénévoles, et tous ceux qui, souvent dans l'ombre, font à chaque jour de cet hôpital un endroit rassurant pour les parents et leurs enfants malades. Merci beaucoup. Sans cri gare, milieu d'une heure inconnue. Un geste, une odeur, un regard qui comme déchire ton début.

Je marchais d'un pas si léger sur un tapis en pétales de rose. Une colombe sur mon épaule, pour chaque main une hirondelle, des papillons de couleur pastel. Solitaire. Oh. n'attends plus qu'il est là. Tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il était vite, tu crois la vite, il te tient. maintenant je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de déroute, toutes je les donnerais toutes pour m'ancrer à ton port. La solitude que je au bout de ma route, je la mettrai dehors. Pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. L'amour existe encore. On n'était pas raison ou tort, le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous s'aimer plus fort. Au-delà de l'offre, la lance. Au-delà de la démence, malgré les bombes qui tombent qui nous redonne notre envie. cuivre du collier. Cette nuit, c'est le vent d'automne qui te bercera. Laisse-moi à l'abri des heures te bercer près de moi. Au moment de placer les chaises pour le repas du réveillon, tu vivras dans ton long silence au hasard des conversations. J'apprivoiserai ton absence, mais je ne dirai plus ton nom. Cette nuit, c'est le vent de toi qui te percera. Laisse-moi tout l'heure des hommes.

J'irai décrocher la lune, je réglerai la fortune. Si tu veux me demander, je renierai ma patrie, je renierai mes amis. Si tu me le demander, hante bien rire de moi, je ferai n'importe quoi. Si tu me chuyện hoa sim, có người con gái xuân vơi vơi, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy bùi. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim, chiều chiều lên những đôi hoa sim, đứng nhìn sim tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chờ lại. Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé bóng chiều quê. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương, mà chết người em gái. Là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa sim, thấy cành sim tím thương vô bờ, tiếc người em gái không còn nữa. Tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phải không em? Để chiều xin tím hoang biên biệt, để mình tôi khóc chuyện hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.